Chapitre 10e. De toute leur vie, ni Trudy ni Anna n'avaient-on travaillé que pendant les journées qui suivirent. Leurs ordres à Stralsund avaient été lancés d'une main généreuse. Tous les ouvriers arrivèrent à la fois, et en un instant, la maison se trouva bouleversée. Ce fut un va-et-vient de plâtriers, menuisiers, tapissiers, jardiniers, un bruit de marteaux, de scie, de balais, de râteaux, un tumulte de voix, dominé par les mugissements de Delvig ou les accents onctueux du pasteur. Seule, Anna eût été incapable de tenir tête à cette armée. Heureusement, Trudy ne la quittait guère, transmettant ses ordres, donnant des conseils, mettant la main à l'œuvre, ornée dès l'aurore d'un carré de mousseline enrubanné qu'elle appelait un tablier, et s'amusant de tout son cœur à ce jeu nouveau. Si parfait fut son contentement au cours des 3 ou 4 premières journées, qu'elle vit d'un œil impassible les ondulations de Jungblut se dissiper graduellement. Même une sorte d'aspiration vers la vie meilleure vint la visiter à certaines heures d'emballement, et si ce n'eût été pour Hasdorff, ce mari encombrant qui l'attendait à Hanovre avec ses 2 fils, elle aurait éprouvé quelque tentation de demander une place parmi les 12 et de recommencer sa vie sous une forme inédite. En dehors du concours actif qu'elle lui prêtait, Anna s'aperçut bientôt que sa présence avait d'autres effets. Trudy, si simple, si bon enfant avec ses égaux, se montrait hautaine, insolente même vis-à-vis des inférieurs. Et cette attitude, pour blâmable qu'elle fût, avait du moins l'avantage de mettre en fuite les fâcheux. Madame Manske, Madame Delvig, chassée de sa forteresse par la curiosité, se replièrent bientôt en bon ordre devant les infinis dédains de la comtesse. Le régisseur, intimidé, modéra d'abord ses accents, puis se retira lui aussi sous sa tente. Il n'était pas jusqu'au pauvre Manske, dont elle ne sut, d'un mot coupant, arrêter l'éloquence, toujours prête à déborder. « Je crois que vous avez fait de la peine à mon pasteur, » dit Anna, qui ne pouvait toujours suivre la rapide parole de la jeune femme, mais qui avait vu le révérend battre en retraite devant elle l'oreille basse. « Ma chère, » prononça Trudy, « je vous rends le très réel service de le remettre à sa place, dont vous lui permettez trop généreusement de s'écarter. Vous ne connaissez pas cette race. Vous croyez avoir affaire à quelqu'un de vos clergymen et devoir vous comporter en conséquence. Erreur. Mon père, qui connaissait le pèlerin, le mettait uniformément au bas bout de la table, et je me rappelle fort bien que lorsque paraissait le dessert, il faisait la révérence et se retirait. Il n'aimait pas le dessert. S'il l'aimait ou ne l'aimait pas, je l'ignore. Ce que je sais bien, c'est que jamais on ne l'en offrit à notre table. C'était là une bonne vieille coutume qu'il renseigne à la modestie et à laquelle Axel a le tort de ne point se conformer. Eh bien, je ferai comme monsieur de l'homme, dit Anna. Jamais l'excellent homme ne manquera de dessert à ma table. Et si vous voulez me faire plaisir, vous ne le malmènerez pas trop, même au sujet de ses discours. Il a de si bonnes intentions. « Vous êtes un ange, » fit Trudy, mettant ses 2 mains sur les épaules d'Anna, « mais vous n'avez pas le sens commun. Quand vous connaîtrez mieux ces gens-là, vous vous assurez que ma manière de les traiter est la bonne. Parlez-leur de haut, ils baiseront la poussière de vos pieds. Soyez amicales, polies, ils se défieront, soupçonneront quelque tare cachée, vous déchireront. Je ne parle pas, bien entendu, de votre pasteur, dont la langue n'est redoutable que lorsqu'elle s'échappe en serment, mais qui devient alors un véritable fléau. Vous ne le nierez pas. » Axel entrait toujours maintenant quand il passait par Kleinwalde, où l'appelait souvent les fonctions dont il a été parlé. On lui montrait les embellissements accomplis, et l'intimité faisait de grands pas. À la fin de la semaine, alors que Trudy commençait à se sentir lasse de ses nouvelles occupations, et à concevoir des doutes sur l'avantage qui pourrait résulter pour son teint du régime d'eau froide et de grandeur auquel il était présentement soumis, les premières réponses attendues parurent à l'horizon, arrivèrent bientôt en bataillon serré. Du coup, le zèle expirant de la comtesse jeta de nouvelles flammes. Ses épîtres lamentables lui parurent extraordinairement divertissantes. Dans la révélation de toutes ses misères, son génie moqueur, sans scrupule et un peu cruel, ne vit que le côté comique dont elle s'amusa follement. Elle n'en avait jamais assez, ne pouvait trop vite les prendre, les dévorer. Et le révérend, ayant paru certains jours chargé de ce butin, Elle courut à sa rencontre, le lui arracha sans cérémonie, le planta au milieu de l'avenue, incertain, gros de conseils et d'importance pastorale, mais n'osant avancer, de peur de quelques rebuffades, et finalement il rebrousse ses chemins, déplorant das impulsive temperament de la comtesse. Toujours la même, ruminait Manske, justement déçu de n'avoir pu prendre part aux délibérations d'une affaire qu'il regardait comme sienne, toujours incoercible et indomptable. Ne se rappelait-il pas le temps où la chère Trudy dévalisait impudemment ses cerisiers? Sur ses timides remontrances, le vieux homme levait ri au nez, jurant qu'il serait bien fin, celui qui empêcherait sa fille de faire à sa tête. Il avait dû se retirer sans autre consolation. Heureusement, Anna, fermement résolue à ne pas laisser molester son pasteur, s'était empressée aussitôt de réparer de son mieux l'incarta de Trudy. Que lui importait après tout que Manske fût peu soigné en sa toilette, de manière fruste et de discours filandreux? C'était une âme droite, un cœur généreux, et en dépit des côtés fâcheux de sa religiosité, un esprit ennobli par une foi sincère en tout ce qui est bon et respectable ici-bas. Or, il était surprenant de constater, après 5 jours de rapport ininterrompu avec la brillante Trudy, combien le commerce, d'une nature simple et croyante, apportait de réconfort. Et c'est pourquoi, fermant les yeux résolument sur les imperfections du brave homme, elle le rappela au conseil, avec des marques de déférence, qu'il était peu habitué à trouver chez ses pareils. La plupart des candidates envoyaient leurs photographies en même temps qu'un aperçu de leur histoire. Portraits et biographies bien faits pour éveiller la compassion. Et c'est ici que l'opinion première d'Anna sur Trudy se modifia considérablement. Devant ses impitoyables commentaires, elle reçut d'abord un grand choc, puis elle se sentit sérieusement offensée de cette attitude, et enfin elle se fit à elle-même de vifs reproches. Elle avait agi inconsidérément. Elle n'avait pas réfléchi qu'arrivée à cette phase délicate de son œuvre, une personne de l'humeur de Trudy devait en être écartée. Elle avait eu tort, grand tort, de permettre qu'elle ouvrît ses pauvres lettres, qu'elle en prit seulement connaissance. Tandis qu'il méditait ainsi dans un malaise grandissant, un fait de plus fit déborder le vase. Trudy venait d'ouvrir, sans en être prié, l'une de ses missives, et son œil rapide et curieux, courant à la signature. « Eh mais !» cria-t-elle ravie. « Je connais celle-ci. C'est une ancienne compagne de pension. Voici sa photographie. Dieu, quelle ruine! Il n'a que 2 ans de plus que moi. Mais aussi, quelle vie a été la sienne! Tout ce qu'il y a de moins édifiant, ma chère. Je vous dirai cela tout à l'heure. Voyons un peu ce qu'elle ose avancer pour se recommander. » Et sans vergogne, elle se mit en devoir de parcourir le papier. D'un mouvement vif, Anna se lève, le lui ôte des mains. Qu'est-ce à dire? Fait Trudy étonné. Vous ne devez pas lire ceci. Et pourquoi, je vous prie? Ces lettres sont de nature confidentielle. Nous devons respecter le secret. Je le reconnais trop tard. J'ai eu tort de vous en laisser voir aucune. Seul le pasteur aurait dû être admis à y jeter les yeux. Le pasteur? Répéta Trudy, grandement offensé. Le pasteur plutôt que moi. Il est simple et bon. Il ne se raillerait jamais des tristesses et des misères exposées à ses yeux. Dit Anna tremblante mais courageuse. Trudy se revint à l'homme, très courroucé, conter ses griefs à Axel. Mais n'ayant trouvé chez son frère que la plus irritante approbation de l'attitude de Mrs. Cord, elle courut le jour même à Stralsund, où auprès de son amie Bibi, elle était sûre de trouver, sinon une sympathie bien intelligente, au moins un complaisant écho à ses plaintes. Mais voici que Bibi lui paraît plus insipide et moins jolie que jamais, et son déplaisir grandit. Cependant, la présidente lui faisait grand accueil, sans oublier de la questionner beaucoup sur Mrs. Cord. « Est-elle tout à fait dans son bon sens ?» demanda cette dame, après que Trudy, lâchant la bride à sa langue, lui troussait une description humoristique de tout ce qui se faisait et se projetait à Kleinwald. « Comment donc ?» fit la comtesse ironique. « Elle se croit même appelée à donner aux gens des leçons de conduite. Ah, je vois, c'est une bigote ?»« Pas comme vous l'entendez, peut-être. » Son genre, c'est de tomber en arrêt devant un rayon de soleil, une fleurette quelconque, et d'adorer Dieu dans la nature. Hier au jardin, elle m'a tenu 10 minutes devant un pied de crocus. Elle était lyrique, et en anglais. C'est encore pire qu'en allemand. Le vrai type de l'anglaise excentrique alors ? Dit la présidente, une petite femme alerte, curieuse, toujours à l'affût des commérages, et qui ne s'était pas tant amusée depuis longtemps dans l'exil de sa petite ville. Quant à Bibi, parée comme une chasse, elle se contentait sans souffler mot de prêter une oreille attentive aux propos de ces dames, tenant la bouche grande ouverte pour mieux entendre. C'était l'attitude qu'affectait volontiers cette jeune personne et que déplorait ceux qui lui voulaient du bien. Trudy, déjà mécontente d'elle-même et des autres, acheva de se sentir tout à fait indisposée par la physionomie de l'héritière, et ce fut de fort méchante humeur qu'elle reprit la route de l'homme. « Cette petite a l'air trop bête. Elle est très laide aussi. Cela passe la permission, » grondait-elle, fouettant rageusement ses chevaux. « Et cette robe, une toilette pareille, arrivée tout droit de Paris, perdue, sacrifiée sur ce paquet. » C'était scandaleux. Cela criait vengeance. Combien mieux un pareil chef-d'œuvre eût été en valeur sur la svelte et élégante personne de Trudy, par exemple. Mais tout allait de travers. Tout était arrangé en dépit du bon sens. Ne venait-elle pas de passer plus de 5 jours à travailler comme une esclave à cette absurde entreprise d'Anna Escort? Et cela pour quel résultat, je vous prie? Pour être traitée avec impertinence et avoir peut-être abîmé son teint sans retour parmi ses sales nues et ses passages glacés. Elle venait d'apercevoir son image sous la lumière crue d'une glace d'escalier et avait reculé toute déconcertée, se trouvant infiniment moins jolie qu'elle ne se sentait. Chose triste, la conscience d'avoir été plus amusante encore que d'habitude aux dépens d'Anna ne la consolait qu'à moitié, car il n'en était que trop sûr. La présidente, en redisant cette piquante description pour le bénéfice de ses visiteurs, ne manquait guère d'ajouter que Trudy Hasdorf avait terriblement eingepackt, mot redouté, exprimant l'état de déclin qui précède les rides, et tenu en juste horreur par toute femme amie de sa réputation de beauté. Or, à quoi sert d'être déclarée spirituelle et amusante, si l'on ajoute à ces aimables épithètes l'horrible correctif d'eingepackt ? La vie est stupide, continuait Trudy en elle-même, plus sotte ici que partout ailleurs. Si je demeure un jour de plus, je m'abêtirai tout à fait, et je deviendrai par-dessus le marché un épouvantail. J'en ai assez de l'homme. J'en ai plus qu'assez de Kleinwald. Cette petite Letty et son institutrice me portent sur les nerfs. Horrible enfant pâle et bouffi, horrible governess invertébrée, qui a l'air de ne tenir debout qu'à l'aide de ses épingles à cheveux. Où qu'on aille, on marche sur des institutrices et des enfants. À peine rentré chez moi, ça va être à recommencer. Sans parler de cet ennuyant Bill qui arrivera pour dîner, implacable comme le destin. Non, la vie n'est pas tenable. Anna et Bibi, voilà des femmes heureuses. Pas de mari, pas d'enfants et beaucoup d'argent. C'était précisément ce qu'il me fallait. Le sort est injuste. Dans ses pessimistes dispositions, elle regagna le manoir de l'homme, et il ne fut pas malheureux, pour le repos d'Axel, qu'elle y trouva justement une lettre de l'ennuyeux Bill, l'engageant vivement à rentrer au bercail, vu que le prince, colonel honoraire de son régiment, était attendu à Hanovre et qu'il se préparait en son honneur de grandes choses. Ces nouvelles déterminèrent une saute de vent. Trudy partit le lendemain matin, ayant retrouvé toute sa belle humeur. « Miss Escort s'étonnera que tu déloges ainsi sans crier gare, » dit Axel, tandis qu'il la mettait en voiture. « Explique-lui cela comme tu l'entendras, je ne lui ai pas été inutile. J'ai mis la machine en mouvement. » « Adieu, tâchez d'exister sans moi. »« Tu parais charmé de revenir à la maison ?» dit son frère amicalement. « Plus que je ne puis dire. La vie meilleure, vois-tu, ce n'est pas du tout mon fait. J'ai la faiblesse de préférer les visites princières et les galas qui les accompagnent. »« Quant à un pauvre frère, il ne compte pas. »« Oh, les frères ! À propos, j'ai trouvé Bibi singulièrement embellie hier. Fais comme moi. Tu peux m'en croire. » C'est là qu'est la sagesse.